3, 2, 1. Ils sont partis. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Good morning, Vietnam! So, back to it. Cours, Forrest, cours! You know nothing, Jon Snow. Bienvenue à Programme Double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. La famille Corleone est une famille de la mafia italo-américaine de fiction qui apparaîtra dans divers romans de l'auteur Mario Puzo, soit The Godfather en 1969 et The Sicilian en 1984, ainsi que dans les romans écrits par Mark Weingartner et Edward Falco, The Godfather Returns en 2004, The Godfather's Revenge en 2006 et The Family Corleone en 2012, romans qui couvriront la période où cette famille sera implantée à New York de 1945 jusqu'en 1964. Seul le dernier livre, qui sera basé sur un scénario non produit de Mario Puzo, ne se situera pas dans cette ligne temporelle, le roman servant de préquel à l'histoire du tout premier volume. Pour ces deux romans, il semble que Puzo se soit inspiré de véritables gangsters de la mafia italo-américaine de la première moitié du 20e siècle, tels que Carlo Gambino, Joe Profaci, Frank Costello et Lucky Luciano. Pour Vito Corleone, le patriarche de la famille fictive, l'auteur empruntera le nom du premier grand parrain sicilien, Vito Cassio, mais Puzo s'inspirera directement du criminel Frank Costello, qui possédait également une voix rauque, ainsi qu'un relationnel avec les politiciens, et dont certains événements de sa vie réelle seront retranscrits ici dans la vie du parrain littéraire. Comme Costello, Don Corleone désapprouve le trafic de drogue qu'il qualifie de travail sale. Puzo s'inspirera également de Joe Profaci, un homme dont l'entreprise criminelle avait comme façade professionnelle une entreprise d'huile d'olive. De grandes parties du roman de Puzo seront également basées sur la réalité, notamment l'histoire des cinq familles, une organisation mafieuse de New York et de ses environs. Le roman comprend également de nombreuses allusions à des gangsters réels et à leurs associés, comme par exemple Johnny Fontaine, qui sera basé sur le chanteur Frank Sinatra, ainsi que le personnage de Mo Green, qui prendra ses racines du criminel Bugsy Siegel. Ce sera le roman de 1969 qui servira d'inspiration à la trilogie de Francis Ford Coppola, The Godfather, mais également à une mini-série et à un jeu vidéo. Ce roman et ses suites seront reconnus surtout pour avoir présenté pour la première fois à un public anglophone des mots italiens comme consigliere, caporegime, cosa nostra et omerta. Vendu à plus de 9 millions d'exemplaires en moins de 2 ans, le tout premier roman restera sur la liste des meilleurs vendeurs du New York Times pendant plus de 67 semaines. De plus, la phrase « Je vais lui faire une offre qu'il ne peut refuser » deviendra une citation qui sera au deuxième rang des 100 meilleures phrases de toute l'histoire du cinéma de l'American Film Institute. Donc, asseyez-vous très confortablement dans votre fauteuil et préparez-vous à plonger dans le monde du crime organisé avec cette première de deux parties où je couvrirai l'une des plus incroyables franchises du cinéma policier américain en vous parlant ici des films The Godfather, réalisé en 1972, et de sa suite The Godfather Part 2, sorti en salle 2 ans plus tard. No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, We're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome. We're happy to have you with us this evening and want you to enjoy every minute of your stay here. And while you relax and stretch, visit our concession where you'll find something to please you. There are ice-cold drinks, delicious sandwiches, ice cream, coffee and snacks, and many other pleasing treats. Our foods are fresh and tasty, our drinks satisfying and refreshing. They're so good. You get more out of life when you go out to a movie. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Francis Ford Coppola, and I directed The Godfather. We're at work now in the final stages, the finishing touches of Godfather Part 2, working in the same room in the same way that we did almost 3 years ago when we finished the film that you're just about to see. I was very pleased to have the opportunity to supervise the revisions so that this film could be shown on television. Rather than make major cuts, any major cuts in the film, I personally re-edited any questionable scenes so that it would be as close as possible to the original and yet still conform to the television standards. The story is fiction, the work of its author Mario Puzo, but it was suggested by fact and by the lives of a few violent men, so the film is violent, it had to be. I tempered each of these scenes in the editing for television, but still I hope you'll use discretion in deciding who in your household should be permitted to view The Godfather. I tried to avoid any stereotypes in the film, so that the mannerisms and home life and the feeling of the people are as authentic as I could remember from my own upbringing in an Italian-American home, even though my family, as are the majority of Italian-Americans, in quite a different business. I hope no one will let this story or these characters in any way reflect on the whole of the Italian people. I think that would be unfair. The show is about to start. Thank you for your cooperation. Enjoy the show, and please come back and visit us again. And now, it's showtime. Out of life. Go out to a movie. My father's no different than any other powerful man who's responsible for other people. If I had this part in the picture, it puts me right back up on top again. This Hollywood big shot's gonna give you what you want. He says there's no chance. I'm gonna make him an offer he can't refuse. You know my father. The men are coming here to kill him. Now you want to get mixed up in the family business? I thought you weren't going to become a man like your father. I never wanted this for you. Freedom, you're my older brother, and I love you. But don't ever take sides with anyone against the family again. Ever. Michael, do you renounce Satan and all his works? I do renounce him. Don't ask me about my business, Kate. Is it true? Leave the gun. Take the cannoli. Thank you. The Godfather, ou Le Parrain, est un drame policier qui a été distribué par les studios Paramount Pictures le 24 mars 1972. Ce long métrage américain d'une durée de 175 minutes coûtera plus de 6 millions à produire, mais amassera plus de 269,9 millions de dollars à travers le monde entier. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène américain Francis Ford Coppola, lui qui nous a donné les films The Conversation et Bram Stoker Dracula. Au niveau du poste de producteur, ce sera Albert Rudy, ce producteur canadien, qui avait produit les films The Longest Yard et The Cannonball Run. Au niveau de la scénarisation, eh bien, ce sera le scénariste américain Mario Puzo qui avait travaillé sur les scénarios de Earthquake, A Time to Die et Superman, la version de 1978, qui sera associé ici au scénariste américain Francis Ford Coppola, qui lui écrira les scénarios de Dementia 13, Patton et Apocalypse Now. Au niveau de la distribution, on y retrouve Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Richard Castellano, Robert Duvall, Diane Keaton et Talia Shire. Le patriarche vieillissant d'une dynastie de la mafia new-yorkaise passe le flambeau de son empire clandestin à son fils réticent. Les droits cinématographiques du roman de Mario Puzo, The Godfather, seront achetés pour la première fois par la compagnie de production et de distribution Paramount Pictures à la fin de 1968, quelque temps avant sa publication, mais après que Puzo ait apporté aux hauts dirigeants de la compagnie, soit Robert Evans et Peter Bart, un traitement d'une vingtaine de pages de son futur roman, intitulé à cette époque « Mafia ». Bart et Evans offriront alors à Puzo un montant de 12 500 $ pour le travail, ainsi qu'une option de 80 000 $ si le travail fini était transformé en film. Bien que l'agent de Puzo lui ait dit de refuser l'offre, Puzo avait désespérément besoin d'argent pour rembourser d'importantes dettes de jeu et acceptera celle-ci. Suite au succès du roman en 1969, Paramount confirmera alors son intention de faire un film et annoncera une date de sortie prévue pour le jour de Noël en 1971. Ce sera alors en mars 1970 qu'Albert S. Rudy sera officiellement annoncé comme producteur du film, en partie parce qu'il était reconnu pour mener ses productions à temps et en respectant le budget donné. Evans tenait absolument à ce que l'adaptation cinématographique soit réalisée par un Italo-Américain, car le dernier film de la Paramount, touchant au milieu de la mafia, soit The Brotherhood, s'était tout simplement écrasé au box-office. Evans était convaincu que la raison de cet échec fut causée par le fait qu'aucun membre de la distribution ou du personnel créatif n'était d'origine italienne. Le réalisateur Sergio Leone sera le premier choix de la Paramount pour réaliser le long-métrage. Suite au refus de ce dernier, ce sera le metteur en scène Peter Bogdanovich qui sera approché, mais ce dernier déclinera également l'offre, n'étant tout simplement pas intéressé par le sujet de la mafia. Après les refus des réalisateurs Peter Yates, Richard Brooks, Arthur Penn, Costa Gavras et Otto Preminger, ce sera l'assistant en chef d'Evans, Peter Bart, qui suggérera le réalisateur d'ascendance italienne Francis Ford Coppola, qui se disait prêt à travailler pour une somme modique après la mauvaise réception de son tout dernier film, The Rain People. Refusant initialement le poste parce qu'il trouvait le roman de Puzo sordide et sensationnaliste, Coppola se ravisera car son studio de production American Zotrepi devait plus de 400 000 $ à la Warner Brothers pour des dépassements de budget avec le film de George Lucas, THX 1138. Francis Ford Coppola sera donc officiellement annoncé comme réalisateur le 28 septembre 1970 et acceptera de recevoir en salaire 125 000 $ et 6 % des recettes brutes du film au box-office. Coppola n'avait que 32 ans à ce moment, mais écrivait, produisait et réalisait depuis maintenant plus de 10 ans. Avant la signature de Coppola, Puzo avait été embauché comme scénariste en avril 1970, se voyant offrir la modique somme de plus de 100 000 $ ainsi qu'un pourcentage des bénéfices du film. Lorsque Coppola sera embauché, ce dernier et Puzo travailleront alors sur le scénario, mais séparément. Puzo travaillant sur son brouillon à Los Angeles, tandis que Coppola écrira sa version à San Francisco. Alors que Coppola voulait que les thèmes de la culture, du caractère, du pouvoir et de la famille soient au premier plan, Puzo, lui, désirait absolument conserver certains aspects de son roman. Coppola créera alors un livre dans lequel il collera des pages qu'il avait déchirées du livre de Puzo, sur lesquelles il prendra des notes. Plus d'une cinquantaine de scènes du livre seront alors choisies par le réalisateur qui devront absolument être dans le long métrage, incluant les idées et certains concepts qui pourraient être utilisés lors du tournage pour rendre le film fidèle à la culture italienne. Les deux hommes resteront en contact pendant qu'ils écriront leurs scénarios respectifs et prenaient ensemble les décisions sur ce qu'il fallait inclure et ce qu'il fallait supprimer pour la version finale. Le scénario de 163 pages sera terminé le 29 mars 1971. C'est le scénariste Robert Towne qui fera quelques retouches non créditées au générique sur celui-ci, en particulier sur la scène du jardin dans lequel Vito donne des conseils à Michael. Au final, bien que le film soit relativement fidèle au roman de Puzo, de larges segments du livre ne seront pas adaptés pour le long métrage, notamment le début de la vie de Don Vito, qui seront finalement englobés dans The Godfather Part 2 deux ans plus tard. De plus, pour adapter l'histoire du roman à une durée de près de 3 heures, de nombreux personnages mineurs du roman seront soit éliminés, soit apparaîtront brièvement dans le film de 1972. Avant que The Godfather n'entre en production, la Paramount avait traversé une période infructueuse remplie d'échecs au niveau du box-office, en plus de dépasser leur budget, tels que Darling Lily, Paint Your Wagon et Waterloo. Le budget initial de The Godfather était à l'origine de 2,5 millions de dollars, mais à mesure que le livre gagnait en popularité, Coppola plaidera pour avoir un budget plus important. Alors que les dirigeants de Paramount voulaient que le film se déroule dans le Kansas contemporain, afin de réduire les coûts, Coppola se battra avec eux afin de situer son histoire durant la même période que le roman, soit durant les années 1940 et 1950. Le roman devenant de plus en plus populaire, les souhaits de Coppola seront finalement acceptés et Paramount acceptera même que le réalisateur tourne à New York et en Sicile au lieu de Los Angeles. Mais très rapidement, des frictions surviendront entre Coppola et la Paramount. En effet, un des cadres de la compagnie de production, Charles Bluedorn, deviendra frustré à cause des nombreux tests d'écran qu'effectuait Coppola pour trouver sa distribution. D'ailleurs, la production prendra rapidement du retard en raison de l'indécision de Coppola au niveau du casting et des conflits avec la Paramount, ce qui allait entraîner des coûts additionnels d'environ 40 000 $ par jour. Avec l'augmentation de ses coûts, Robert Evans demandera alors à son assistant vice-président de l'époque, Jack Ballard, de surveiller de près les dépenses de la production. Au niveau de la distribution, Mario Puzo sera le premier à montrer son intérêt pour que l'acteur Marlon Brando incarne Vito Corleone, prétendant qu'il était le seul acteur capable d'interpréter ce rôle. Cependant, et ce malgré les souhaits de l'écrivain, les dirigeants de Paramount étaient contre Brando, en partie à cause de la mauvaise performance au box-office de ses récents films, mais surtout à cause de son tempérament incontrôlable. Coppola approchera alors Sir Laurence Olivier pour le rôle, mais l'agent de ce dernier refusera, prétextant que l'acteur était très malade. Alors que Paramount poussait pour obtenir Ernest Borgnine, George C. Scott, Richard Conte, Anthony Quinn, voire même Orson Welles, pour le rôle du parrain, Coppola se débattra durant des mois avec la compagnie de production afin d'obtenir Brando dans le rôle principal. Brando étant un des deux finalistes avec Borgnine, ce sera finalement le président de la Paramount, Stanley Jaffe, qui exigera un test écran de Brando qui se fera à la résidence de l'acteur en Californie. Impressionnés par la prestation de Brando, les dirigeants de la Paramount accepteront finalement ce dernier pour le rôle en signant un contrat avec l'acteur où ce dernier acceptera un salaire inférieur à ce qu'il avait l'habitude de recevoir, ainsi qu'une stipulation spéciale pour s'assurer que celui-ci ne causerait aucun retard durant la production. Au final, Brando sera le premier membre de la distribution à être annoncé publiquement le 28 janvier 1971, soit environ 2 mois avant le début de la photographie principale, et se verra remettre la modique somme de 1,6 million de dollars ainsi qu'un pourcentage sur les recettes du film. Pour le personnage de Johnny Fontaine, Al Martino, un chanteur alors célèbre dans les boîtes de nuit, fut informé du personnage par un ami qui avait lu le roman. Croyant qu'il représentait bien le personnage, Martino contactera alors le producteur Albert S. Rudy, qui lui donnera le rôle. Cependant, Martineau se verra dépouillé de ce même rôle lorsque Coppola deviendra le réalisateur de la production et qui attribuera alors le personnage de Fontaine au chanteur Vic DeMone. Finalement, DeMone abandonnera son poste, prétextant alors être trop peu payé et que l'apparition de son personnage dans le long-métrage avait été très réduite comparativement à la place de ce dernier dans le livre original. Au grand final, le rôle de Johnny Fontaine reviendra de nouveau à Al Martino. Coppola choisira l'actrice Diane Keaton pour le rôle de Kay Adams en raison de sa réputation d'excentrique. De plus, Coppola donnera plusieurs rôles aux membres de sa famille, tels que le rôle de Connie Corleone, qui sera alors attribué à sa sœur, Talia Shire. Sa fille, Sophia, interprétera, elle, le rôle du nouveau-né de Connie et Carlo, alors que son père, Carmine Coppola, apparaîtra dans le film en tant que figurant, jouant du piano pendant une scène. À l'approche du début du tournage, prévu pour le 29 mars 1971, le personnage de Michael Corleone n'avait toujours pas été alloué. Encore une fois, Coppola et la Paramount auront de la difficulté à s'entendre, la compagnie de production désirant un acteur populaire comme Warren Beatty, Jack Nicholson ou même Robert Redford, alors que le producteur Robert Evans, lui, désirait que Ryan O'Neill reçoive le rôle en grande partie à cause de son récent succès dans Love Story. Mais du côté de Coppola, ce dernier désirait un jeune acteur du nom de Al Pacino. Le réalisateur désirait un acteur totalement inconnu qui ressemblait beaucoup plus à un Italo-américain. Cependant, les hauts dirigeants de la Paramount trouvaient que Pacino était trop petit pour interpréter le personnage de Michael et que ce dernier n'avait pas la prestance nécessaire pour le personnage. Dustin Hoffman, Martin Sheen et James Caan auditionneront pour le rôle et ce sera finalement Burt Reynolds qui se verra offrir le personnage de Michael, mais Marlon Brando menacera alors de démissionner si Reynolds venait à bord, forçant alors ce dernier à se retirer. Au final, ce sera James Caan qui sera très bien accueilli par les dirigeants de la Paramount et qui recevra le rôle de Michael, tandis que le rôle de Sonny Corleone sera attribué à Carmine Caridi. Mais Coppola continuera de pousser Pacino à jouer Michael et Robert Evans finira par concéder, permettant ainsi à Pacino d'obtenir le rôle de Michael, mais à la condition que Caan obtienne le rôle de Sonny, ce qu'acceptera sans trop de difficultés Coppola. Bien qu'il ait accepté de jouer Michael Corleone, Pacino avait été engagé pour jouer dans le long-métrage « The Gang That Couldn't Shoot Straight » de la compagnie MGM, qui se verra alors accorder par un tribunal une injonction contre la Paramount et Pacino, interdisant alors à ce dernier d'apparaître dans « The Godfather ». Finalement, les deux studios se mettront d'accord sur un règlement et Pacino sera signé par Paramount 3 semaines avant le début du tournage. L'acteur Robert De Niro avait obtenu à l'origine le rôle de Paulie Gatto. Mais lorsque Pacino quittera The Gang That Couldn't Shoot Straight, De Niro auditionnera pour le rôle laissé vacant par Pacino et dut alors quitter la production après avoir remporté le dit rôle. Suite à son départ, ce sera l'acteur Johnny Martino qui obtiendra le rôle de Gatto. Ironiquement, ce sera cette situation qui permettra à De Niro de pouvoir revenir dans The Godfather Part 2 afin d'interpréter le jeune Vito Corleone. Avant le début du tournage, les acteurs auront une période de répétition de 2 semaines, incluant un dîner durant lequel chaque acteur et actrice assumera son personnage, et ce, durant toute la soirée. Le tournage devait débuter le 29 mars 1971 avec une scène extérieure mettant en vedette Michael et Kay, mais la météo prévoyait des averses de neige pour le 24 mars, ce qui poussera Coppola à avancer la date de tournage d'une semaine. Cependant, la neige ne se matérialisera pas cette journée-là et une machine à neige devra être utilisée. Le tournage à New York se poursuivra jusqu'au 2 juillet 1971. Le directeur de la photographie, Gordon Willis, refusera d'abord de participer à cette production parce que cette dernière lui semblait chaotique. Cependant, le jeune Coppola réussira à convaincre le DP d'accepter après que le réalisateur ait convenu avec lui de ne pas utiliser d'appareil de tournage moderne. Willis sous-exposera volontairement la pellicule durant le tournage afin de créer un ton jaunâtre. La relation d'affaires sera très tendue entre Willis et Coppola, entraînant pratiquement Coppola dans une véritable dépression nerveuse. l'un des moments les plus choquants du film impliquait une tête de cheval coupée. Cette scène sera tournée à Long Island et Coppola recevra de multiples critiques pour la dite scène lorsqu'il fut découvert que la tête du cheval était véritable. Coppola confirmera par la suite que la tête avait été obtenue d'une entreprise d'aliments pour chiens, d'un cheval qui devait être tué de toute façon. Pour la scène où Sonny est assassiné, cette dernière prendra plus de 3 jours à tourner et coûtera plus de 100 000 $. Pour cette dernière, l'acteur James Caan était couvert de poches de sang activées par de petites douilles en laiton avec des éclats de poudre à canon pour simuler les multiples coups de balle. La séquence fut réussie en une seule reprise. Environ 90 % des séquences seront tournées à New York et dans sa banlieue environnante, et ce, en utilisant plus de 120 lieux distincts. Les parties restantes ont été tournées en Californie ou sur place en Sicile. D'ailleurs, Coppola demandera une pause de 3 semaines avant de partir filmer en Sicile. Dans les villes de Savoca et de Forza d'Agro. Après le départ de l'équipe pour la Sicile et quelques difficultés en post-production, Paramount annoncera que la date de sortie sera déplacée de Noël 1971 à mars 1972. Pour les scènes se déroulant à Las Vegas, ces dernières ne seront pas tournées sur place, faute de fonds suffisants. Pendant le tournage, Coppola vivra continuellement dans la paranoïa d'être licencié à tout moment, car il savait que les dirigeants de Paramount n'étaient pas satisfaits de bon nombre des décisions qu'il avait prises. Pour la séquence d'ouverture, qui occupe plus de 26 minutes de temps d'écran, les hauts dirigeants de la Paramount auront un moment de panique lorsqu'ils verront les scènes tournées qui n'étaient que des plans de l'immense réception de mariage en plein air au cours de laquelle les invités dansent, chantent et plaisantent entre eux. Ces extérieurs prirent plus de 4 jours à tourner et nécessiteront plus de 700 figurants. Chaque jour, le gâteau de mariage à 4 niveaux devait être remplacé, ainsi que de grandes quantités de lasagnes, de fruits, de biscuits, de vin et d'autres aliments consommés par les invités fictifs du mariage, ainsi que par les acteurs et les membres de l'équipe. Coppola savait que le vice-président de la Paramount, Robert Evans, avait demandé au réalisateur Ilya Kazan de se mettre en stand-by afin de prendre en charge la réalisation du film si tout tournait à la catastrophe. Le producteur, craignant que Coppola soit trop inexpérimenté pour faire face à l'augmentation de la taille de la production. Coppola était également convaincu que le monteur Aram Avakian et l'assistant réalisateur Steve Kastner complotaient pour le faire renvoyer. Lorsque Avakian se plaindra à Evans qu'il ne pouvait pas monter correctement les scènes parce que Coppola ne tournait pas suffisamment de séquences, Evans, qui était devenu satisfait de ce qu'il voyait, autorisera alors Coppola à les renvoyer tous les deux. De plus, Brando menacera Evans de démissionner si Coppola était renvoyé. Contre toute attente, Brando, dont toutes les scènes devaient être tournées entre le 12 avril et le 28 mai 1971, fut un acteur modèle sur la production, réalisant fréquemment des farces qui allégeraient l'ambiance sur le plateau. La seule difficulté rencontrée à son égard durant le tournage fut son incapacité à mémoriser ses lignes, nécessitant ainsi des cartes sur lesquelles étaient indiquées ses répliques qui étaient cachées sur le plateau de tournage durant chacune de ses scènes. Après la fin du tournage le 7 août, les efforts de post-production se sont concentrés sur la réduction du film à une longueur gérable. De nombreuses scènes centrées sur Sonny furent supprimées parce qu'elles ne faisaient pas avancer l'intrigue. La version finale du long-métrage sera montrée au personnel de la Paramount entre décembre 1971 et janvier 1972. Coppola embauchera le compositeur italien Nino Rota pour créer la bande originale de son film. Pour la partition, Rota a synthétisé de nouvelles compositions musicales et prendra également certaines parties de sa musique créée pour le film Fortunella, sur lequel il avait travaillé en 1958. Le vice-président de la Paramount, Robert Evans, trouvait le score trop intello et ne voulait pas l'utiliser, mais il sera finalement convaincu par Coppola de la puissance des différentes pièces musicales de Rota, donnant au film une touche très italienne. Ce sera le père de Coppola qui créera la musique supplémentaire pour le film, en partie la musique jouée par le groupe lors de la scène d'ouverture du mariage. La première mondiale du Godfather aura lieu au Lowe's State Theater de New York le mardi 14 mars 1972. Avant cette première, le long métrage avait déjà rapporté plus de 15 millions de dollars grâce à des locations anticipées dans plus de 400 cinémas. The Godfather sera par la suite projeté dans plus de 316 salles additionnelles. L'intérêt de la population sera alors piqué par des articles faisant la promotion de la production du long métrage dans le New York Times et d'autres journaux, ainsi qu'un long article produit par le Time Magazine qui sera mis en vente quelques jours avant la première du film. The Godfather battra de nombreux records au box-office et deviendra ainsi le film le plus rentable de son époque, surplantant Gone with the Wind au niveau de ses gains durant son tout premier week-end. D'ailleurs, les bénéfices du long-métrage furent si élevés que les actions de la Gulf and Western Industries Incorporated, qui possédait alors Paramount Pictures, passèrent de 77 sous à 3,30 $ par action. Les droits de télévision ont été vendus pour un montant record de 10 millions de dollars à la NBC pour une diffusion sur deux soirs avec seulement quelques modifications mineures. Le long métrage sera donc diffusé le samedi 16 novembre 1974 et la seconde moitié deux jours plus tard, faisant du Godfather le huitième film le plus regardé à la télévision à son époque. The Godfather remportera l'Oscar pour le meilleur film, meilleur acteur et le meilleur scénario basé sur du matériel provenant d'un autre média. Le film reçut également trois nominations pour le meilleur acteur dans un second rôle pour James Caan, Robert Duvall et Al Pacino, ainsi que des nominations dans les catégories réalisateur, conception de costumes et monteur de son. Lorsque les nominations aux Oscars ont été annoncées pour la première fois, Nino Rota avait également reçu une nomination dans la catégorie musicale, mais à la suite d'une controverse largement rapportée dans les journaux commerciaux d'Hollywood, la nomination de Rota a été retirée après qu'on ait porté à l'attention de l'Académie que des portions de la partition du Godfather avaient déjà été utilisées par Rota dans sa partition pour le film italien Fortunella de 1958. Une autre controverse durant les Oscars éclatera le soir même de la cérémonie lorsque Brando, récipiendaire du prix du meilleur acteur, ne se présentera pas, envoyant à sa place une actrice amérindienne du nom de Maria Cruz qui monta sur le podium puis écartera la statuette offerte par les présentateurs Roger Moore et Liv Ullmann afin de prononcer un bref discours sur le traitement des Indiens d'Amérique dans le cinéma et la télévision. En 1991, un documentaire intitulé « The Godfather Family, A Look Inside » sera réalisé par le réalisateur Jeff Warner. Le documentaire présentait du contenu provenant des coulisses des trois films de la saga, des entretiens avec les différents acteurs et plusieurs tests d'écran réalisés tout au long de la pré-production des trois films. Puis, en 2006, Francis Ford Coppola contactera Steven Spielberg, dont le studio DreamWorks venait tout récemment d'être racheté par la Paramount, à propos de la restauration du Godfather. En effet, lorsque le long métrage fut projeté en salle, les négatifs originaux ont été usés parce que la bobine fut réimprimée à plusieurs reprises afin de répondre à la demande des salles de cinéma en Amérique du Nord. De plus, la copie des négatifs originaux sera égarée dans les archives de la Paramount. Ce sera Robert A. Harris qui sera embauché pour superviser la restauration du long-métrage ainsi que de ses deux suites, le directeur de la photographie Gordon Lewis participant également à la restauration. Les travaux débuteront en novembre 2006 en réparant les négatifs afin qu'ils puissent passer par un scanner numérique pour produire des fichiers 4K haute résolution. Si un négatif était endommagé et décoloré, un travail était effectué numériquement pour lui redonner son aspect d'origine. Après un an et demi de travail sur la restauration, le projet sera terminé et la compagnie Paramount surnommera alors le produit final « The Godfather de Coppola Restoration ». Toujours en 2006, un jeu vidéo de The Godfather sera développé par Electronic Arts, une division de Viacom Incorporated, qui était alors devenue la société mère de Paramount Pictures en 1994. Le jeu, qui se déroulait dans les années 1940, présentait l'apparence et la voix réelle de Brando, qui avait enregistré presque 4 heures de voix pour Electronic Arts avant sa mort en juillet 2004. James Caan et Robert Duvall fourniront également leur voix à leurs personnages respectifs, soit Sonny et Tom, avec 20 autres personnages du film de 1972, dont plusieurs seront également réalisés par les acteurs originaux. The Godfather sera ajouté au registre national des films de la Bibliothèque du Congrès américain en 1990. En 2003, un sondage du magazine Esquire a nommé The Godfather le plus grand film de tous les temps et en 2007, il sera classé deuxième sur la liste des plus grands films américains de l'AFI, prenant alors la place de Casablanca, qui avait la deuxième place depuis 1997. Du côté des points forts, eh bien, Francis Ford Coppola réalise ici une œuvre magistrale qui rend un puissant hommage au film de gangster des années 1930. Sa mise en scène est efficace, ce qui permet au film de garder une tension constante malgré le rythme très lent ici. D'ailleurs, le montage des scènes qui se passent en même temps qu'un autre événement sont particulièrement réussis grâce à un montage serré et efficace. De plus, Coppola prend le temps de nous montrer la vie personnelle des personnages principaux tout en entremêlant le tout avec des scènes de violence crue, ce qui permet à l'auditoire de ne pas perdre l'intérêt et ce, même durant les moments calmes du long métrage. Le narratif visuel ici est très puissant, prenant le temps de nous raconter plusieurs anecdotes durant une même scène, un outil qui permet au spectateur de s'intéresser à la scène, même si, à première vue, cette dernière ne l'intéresse point, un outil dont se sert continuellement le réalisateur Quentin Tarantino dans ses productions. Du côté de la direction photo, eh bien, celle-ci est audacieuse, l'image étant sombre, afin de créer un climat dur et claustrophobique à l'histoire. De plus, la musique de Nino Rota sait désamorcer la violence crue qui nous est présentée grâce à des bouts musicaux remplis de noblesse. Du côté de la distribution, eh bien, celle-ci est tout simplement parfaite, notamment la prestation de Brando qui fait de Don Corleone un homme respectable, intelligent, mais surtout dangereux, qui a des valeurs familiales et humaines qui contrastent totalement avec ses actions. Au final, The Godfather est une excellente étude de mœurs d'une famille de la pègre des années 30 qui nous présente le côté humain de cette dernière, une différence avec les autres films de gangsters de cette époque où seule l'action était importante. Mais du côté des points faibles, eh bien, le véritable point faible du film relève de sa lenteur ainsi que de sa longueur, le réalisateur se permettant de nous présenter une scène de mariage au début du film qui pourrait sembler inutile a priori, mais qui est extrêmement importante puisque cette dernière met en place toute l'histoire du long métrage. Cependant, Coppola aurait pu entrecouper les scènes de ce dernier de façon mieux rythmée, ce qui aurait enlevé des longueurs avec certains moments, chose qu'il arrangera beaucoup dans sa scène d'introduction de The Godfather Part 2. Du côté de la durée du film, celle-ci nous donne parfois quelques longueurs, dues principalement au rythme lent de l'histoire, mais l'intérêt narratif du réalisateur permet aux spectateurs de passer rapidement par-dessus ce petit problème. Du côté de la composition musicale, eh bien, c'est le compositeur italien Nino Rota qui nous avait donné les trames sonores des films Death on the Nile en 1978, Hurricane, The Godfather Part II et Waterloo. Cette trame sonore a été mise sur le marché par l'étiquette Jeffens Record en 1972, sur lequel on était capable de l'avoir en CD, en vinyle et en cassette audio, mais vous pouvez également retrouver la trame sonore sur le coffret de The Godfather Trilogy, The 30th Anniversary, qui a été distribué sur le marché le 13 mars 2001 sous l'étiquette Silva America. Je vous fais écouter ici le thème de The Godfather. And now, intermission. Refreshment time. See what I get from the refreshment counter. Oh boy, popcorn and candy bars and ice cream and oh boy, sparkling ice cold Coca-Cola. Oh boy, that tastes good. Have you been to the refreshment counter? Welcome to Chicken Town. Welcome to the Wild West, home of the imitators. Because when you're on top, everybody wants a piece of you. Well, good luck to them, I guess. Let them have something to aim for. Word to the wise, there's only one Colonel in Chicken Town. Save your battery and your disposition. When it rains, you can still enjoy the movie with a Drizzle Guard rain visor. Simply press suction cups to the windshield as shown in the detail on your instruction sheet. Drizzle Guards are on sale now at the concession stand. Refresh yourself. It's intermission time. The concession stand is open and ready to serve you. See your next movie completely free. And now, on with the show. Rated X. Get more out of life. Go out to a movie. The Godfather Part 2, winner of 6 Academy Awards, including Best Picture of the Year. Best Supporting Actor, Robert De Niro. Best Director, Francis Ford Coppola. Best Original Dramatic Score, Nino Rota and Carmine Coppola. Best Screenplay Adapted from Another Medium, Francis Ford Coppola and Mario Puzo. Best Art Direction and Set Decoration. Art Direction, Dean Tavolaris and Angelo Graham. Set Decoration, George R. Nelson. The Godfather, Part 2. The history of 2 generations of crime. The drama of absolute power and the men who violate it. The Godfather, Part 2. What is your name? Don Vito Corleone and his son Michael both had seen the ones they loved most cut down before their eyes. Both had killed as an act of vengeance. Both commanded the most powerful and merciless crime organization in the world. Is it true that in the year 1950 you devised the murder of the heads of the so-called 5 families in New York? It's a complete falsehood. They would take any measures. I mean, you've won. You want to wipe everybody out? I don't feel I have to wipe everybody out, Tom. It's just my enemies. Make any arrangement. Michael, we're bigger than U.S. Steel. Order any death to protect the empire they controlled. the Godfather, and his heir. Both were men of ice, and both were targets. They're still on the property. Please, Michael, please stay inside. Keep them alive. We'll try. Michael! Alive! The Godfather, Part 2, is Sicily in 1921. And Nevada in 1958. It is revolution in Havana. And rubouts in New York. It is manipulation. It would be like trying to kill the president. There's no way we can get to him. If anything in this life is certain, if history's taught us anything, it says you can kill anyone. It is murder. And it is betrayal. It was a son, and I had it killed because this must all end. The Godfather Part 2 is the final chapter in the violent history of the Corleone crime family. It is the motion picture masterpiece of the year. The Godfather Part 2, ou Le Parrain, partie numéro 2, est un drame policier qui a été distribué par les studios Paramount Pictures le 20 décembre 1974. Ce film américain d'une durée de 200 minutes a coûté 13 millions de dollars à produire et amassera plus de 93 millions de dollars au niveau du box-office international. Sur la chaîne du réalisateur, on y retrouve de nouveau le réalisateur américain Francis Ford Coppola, qui nous avait donné les films The Great Gatsby en 1974, ainsi que Tucker, A Man and His Dream. Coppola aura également le poste de producteur, lui qui a produit les films Apocalypse Now et Gardens of Stone. Et c'est également Coppola, ce scénariste américain qui avait écrit le scénario de Tonight for Sure et Rumblefish, qui écrira de nouveau le scénario de The Godfather Part 2 aux côtés de Mario Puzo, ce scénariste américain qui avait écrit les scénarios de The Sicilian et Christopher Columbus de Discovery. Au niveau de la distribution, on y retrouve Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton, Robert De Niro, John Cazale, Talia Shire, Lee Strasberg et Danny Aiello. La vie et la carrière de Vito Corleone dans les années 1920 à New York, alors que son fils Michael élargit et renforcit son empire sur le syndicat du crime familial durant les années 50. Dès avril 1972, le haut dirigeant des studios de la Paramount, Robert Evans, annoncera une suite à The Godfather qui devait alors s'intituler Don Michael. Mario Puzo avait déjà débuté l'écriture du scénario et ce dès décembre 1971, avant même la sortie de The Godfather en salle. Suite au succès au box-office de The Godfather, Evans approchera Coppola pour signer ce dernier à la réalisation, mais Coppola n'acceptera que le poste de producteur à cause de ses différents conflits avec la maison de production et de distribution Paramount lors du tournage du premier volet. Coppola lira le premier jet de Puzo et décidera alors de recommencer à la case départ avec l'auteur. Initialement intitulé « The Death of Michael Corleone », le nouveau scénario suivait l'idée de juxtaposer l'ascension de la famille Corleone sous le règne de Vito Corleone avec celui du déclin de la famille sous la direction de son fils Michael. Coppola avait toujours voulu écrire un scénario racontant l'histoire d'un père et d'un fils au même âge, permettant au réalisateur d'éviter de refaire la même structure que le précédent long métrage, plaçant l'histoire à la fois dans le passé et dans le présent. Coppola proposera alors à Martin Scorsese de réaliser le dit film, mais Evans refusera, lui qui avait acheté une Mercedes de couleur bleue à Coppola lorsque The Godfather deviendra un succès en salle, afin de remercier ce dernier de son travail et surtout de sa persévérance. Ce ne sera donc pas surprenant si les exécutifs de la compagnie ne cesseront de harceler Coppola pour que ce dernier reprenne de nouveau le poste de réalisateur. ce dernier décidera finalement d'accepter et négociera alors un budget de plus de 6 millions de dollars et un plus grand contrôle sur la production. Malheureusement, la création de The Godfather Part 2 prit presque fin avant même de commencer lorsque l'agent de Pacino dira à Coppola que le jeune homme avait de graves doutes sur le scénario final et qu'il ne reprendrait pas son rôle de Michael Corleone, forçant le réalisateur à passer une nuit entière à réécrire le script avant d'obtenir l'approbation de Pacino et par le fait même sa participation. Pacino acceptera donc de reprendre son rôle, mais l'acteur qui avait obtenu une véritable célébrité grâce au succès rencontré par ses récents films The Godfather, Scarecrow et Serpico, contractera alors une longue pneumonie qui le mettra à l'écart pendant des semaines lors de la production, forçant ainsi une augmentation du budget initial qui passera alors à plus de 11 millions de dollars. Au niveau de la distribution, Coppola sera également capable d'aller chercher les différents acteurs et actrices du premier film, comme Diane Keaton, John Cazale, Robert Duvall et Talia Shire, mais également bénéficiera de la présence du jeune Robert De Niro, l'acteur ayant à l'origine auditionné pour le rôle de Sonny et qui avait finalement obtenu le rôle de Paul Ligato dans le premier film, mais qui dut quitter la production afin d'accepter un des rôles principaux dans le film The Gang That Couldn't Shoot Straight. L'acteur Richard S. Castellano, qui avait interprété le personnage de Peter Clemenza dans le premier film, refusera de revenir car lui et les producteurs ne parviendront pas à un accord sur ses demandes, l'acteur voulant superviser lui-même ses dialogues pour le film car il n'était vraiment pas satisfait de la direction de son personnage dans ce nouveau volet. Au niveau salarial, les honoraires combinés de Coppola pour la production, la réalisation et la coécriture de The Godfather Part 2 seront de plus de 500 000 $ plus 13 % des recettes brutes, Coppola ayant obtenu pour le premier film un salaire ainsi que 6 % des bénéfices nets, ce qui lui apportera au total un bonus de plus de 5 millions de $. Pacino, qui avait obtenu seulement 25 000 $ pour The Godfather, recevra ici 500 000 $ en plus de 5 % des recettes, mais seulement après que le film ait atteint le seuil de rentabilité. Pour Robert Duvall, ce dernier recevra un salaire de plus de 35 000 $ et également un petit pourcentage des recettes, mais seulement après que le long-métrage ait atteint le seuil de rentabilité. Pour la scène finale, Coppola désirait terminer son film avec l'apparition de tous les membres de la famille. Cependant, Marlon Brando refusera de reprendre le rôle de Vito Corleone car il se rappelait que Paramount ne désirait pas sa présence à l'origine dans le rôle. De plus, l'acteur exigera un salaire de plus de 500 000 $ plus 10 % des recettes du nouveau film pour apparaître dans cette courte scène de flashback qui ne demandait qu'une seule journée de tournage. Suite au départ de Brando de la production, Coppola dut réécrire la scène au complet. Du côté de James Caan, ce dernier acceptera l'invitation de réapparaître dans cette scène de flashback à condition d'être payé le même salaire qu'il avait obtenu sur le premier film, soit plus de 35 000 $ pour une seule journée de tournage. Au niveau de l'histoire, le personnage de Eamon Roth, qui sera interprété ici par l'acteur Lee Strasberg, sera vaguement basé sur le véritable gangster Meyer Lansky. Lansky a joué un rôle déterminant dans le développement du syndicat national du crime en Amérique et a contribué à la création d'un empire majeur dans le monde du jeu qui s'étendait jusqu'à l'étranger. La déclaration de Roth à Corleone « Nous sommes plus grands que l'acier américain » était une citation directe de Lansky à sa femme, bien que le destin éventuel de Roth diffère de celui de Lansky, ce dernier décédant d'un cancer du poumon en 1983 à l'âge de 80 ans. Le tournage débutera le 1er octobre 1973 et se terminera le 19 juin 1974. Le film sera tourné en République dominicaine, Paramount tenant fermement à développer la République dominicaine en tant que site cinématographique. De plus, la production tournera également en Italie, en Californie et à New York. Possédant un contrôle presque complet sur sa production, Coppola ne revivra pas les problèmes de tournage du premier film et verra sa production se dérouler sans anicroche majeure et ce, malgré les différents lieux de tournage. Mais quelques petits problèmes surviendront tout de même entre le réalisateur et la Paramount, principalement sur l'idée de Coppola de tourner les séquences de Vito dans le langage sicilien, la compagnie de production ne croyant pas que le public serait intéressé à lire des sous-titres lors du visionnement sur l'écran, ainsi que de mixer le passé et le futur, la compagnie ayant peur que l'auditoire ne soit pas capable de suivre. De plus, lorsque Coppola décidera d'appeler son film « The Godfather Part 2 », Paramount s'y opposera parce qu'il pensait que le public ne serait pas intéressé par un ajout à une histoire qu'ils avaient déjà vue. Mais le réalisateur remportera son point et le succès du film lancera la pratique courante des suites numérotées, une première lors de la sortie du deuxième chapitre des Aventures du Parrain. Avant de tourner les séquences en Italie, De Niro passera des semaines à perfectionner son italien avec un entraîneur. Ce sera d'ailleurs durant cette période que De Niro lira l'autobiographie du boxeur Jake LaMotta, qu'il fera lire plus tard au réalisateur Martin Scorsese, lui suggérant d'en réaliser l'adaptation cinématographique, ce qui deviendra plus tard le film Raging Bull. Le budget augmentera de nouveau lorsque de mauvaises conditions météorologiques, notamment des pluies importantes, causeront des problèmes lors de la production. Suite à la conclusion du tournage, le film ira en post-production, mais sera confronté à de sérieux problèmes de montage. En effet, le long-métrage devait avoir son avant-première en décembre 1974, mais Coppola avait de la difficulté à terminer de monter son film à temps, car le réalisateur découvrira durant un visionnement test que la dernière heure du film semblait perdre l'intérêt de son audience. De plus, les critiques de cinéma et les journalistes ayant assisté à cette même projection déclarèrent que le long métrage était un véritable désastre, les croisements entre les histoires parallèles de Vito et Michael étant jugés trop fréquents, ne laissant pas suffisamment de temps pour laisser une impression durable sur le public. Coppola et les monteurs retourneront donc dans la salle de montage pour changer la structure narrative de la dernière heure. Il sera même suggéré à Coppola de faire une intermission au milieu de la projection, ce à quoi le réalisateur s'opposera malgré la durée finale de plus de 200 minutes. The Godfather Part II aura sa première à New York le 12 décembre 1974 avant d'être diffusé dans les salles nord-américaines une semaine plus tard, soit le 20 décembre. Bien que les critiques seront moins élogieuses que pour le premier film, ce deuxième volet de la famille Corleone sera tout de même bien reçu en général, notamment au niveau des prestations de Robert De Niro, Al Pacino et Robert Duvall. Le film amassera plus de 57 millions de dollars au box-office nord-américain, soit deux fois moins que le premier film, mais sera tout de même considéré comme un succès en salle. The Godfather Part II obtiendra 11 nominations à la 47e édition des Oscars, surclassant ainsi le premier volet au niveau de ses récompenses. Le film deviendra la toute première suite à remporter l'Oscar du meilleur film, en plus de remporter les Oscars dans les catégories meilleur réalisateur, meilleur acteur de soutien en la personne de Robert De Niro, meilleure direction artistique, meilleur scénario et finalement meilleure trame sonore du film, Nino Rota ayant été disqualifié en 1972 parce qu'il avait recyclé la musique de l'une de ses partitions antérieures sur le film de 1958 Fortunella du réalisateur Eduardo De Filippo. Ironiquement, le compositeur utilisera de nouveau des éléments de cette même partition, mais cette fois-ci, l'Académie ne semblait pas avoir de problème avec cela, lui remettant un Oscar pour son travail. Du côté de Coppola, The Godfather Part II marquera un moment important de sa carrière, le réalisateur devenant le second réalisateur de l'histoire d'Hollywood à obtenir un Oscar pour son poste de producteur, de réalisateur et également de scénariste, le premier à avoir réalisé cet exploit étant Marvin Hamlisch pour son travail sur The Sting en 1973. De plus, Coppola deviendra seulement le deuxième réalisateur d'Hollywood à voir deux de ses films être nominés aux Oscars dans la catégorie Film de l'année durant la même édition des Oscars, le second étant The Conversation, qui mettait alors en vedette Gene Hackman et Harrison Ford. Le film remportera également plusieurs prix au Golden Globe et au BAFTA Awards de cette même année. En 1977, Francis Ford Coppola demandera au monteur Barry Malkin de faire une version de 7 heures pour la télévision, version où The Godfather Part 1 et Part 2 seront présentés dans l'ordre chronologique. Malkin atténuera la violence, le sexe et le langage pour le public plus général de la télévision et incorporera des images supplémentaires non incluses dans les films originaux, les scènes précédemment supprimées, totalisant près de 75 minutes du produit final. The Godfather Saga sera diffusée sur une période de 4 jours dès le 12 novembre 1977 sur le poste de NBC. Suite à sa sortie du film The Godfather Part 3, Coppola créera The Godfather Trilogy, une version mise à jour de The Godfather Saga qui inclura les images du dernier film de la trilogie. Cette nouvelle version sera, elle, d'une durée totale de 9h43. Un jeu vidéo basé sur The Godfather Part 2 sera réalisé pour les consoles PlayStation 3 et Xbox 360 et distribué par la compagnie Electronic Arts en avril 2019. Dû aux mauvaises critiques et aux faibles ventes du jeu, la compagnie Electronic Arts annulera tous ses plans pour la création du jeu vidéo basé sur le film de The Godfather Part 3. L'auteur Mario Puzo décédera d'une insuffisance cardiaque le 2 juillet 1999 à son domicile de Bayshore, à New York, à l'âge de 78 ans. Du côté des points forts, eh bien, The Godfather Part 2 démontre avec ingéniosité ce que devrait être une suite à Hollywood, soit un complément d'une première œuvre et non une réplique parfaite de cette dernière afin d'amasser plus d'argent. Encore une fois, la réalisation de Coppola est audacieuse et soignée, ce dernier continuant de briser les règles instaurées à Hollywood depuis sa création. La direction photo est encore une fois des plus remarquables, continuant d'une manière efficace à nous présenter cet univers sombre et mortel de la mafia italo-américaine. La distribution est encore une fois ici impeccable, surtout Pacino qui nous montre une assurance déconcertante et surtout qui est capable de nous montrer la descente aux enfers de Michael Corleone, qui cherche à tout contrôler et à éliminer sa compétition, même si cela n'est point nécessaire, son désir de vaincre ses ennemis dépassant la raison par moment. The Godfather Part 2 se veut également une représentation dramatique de l'immigration italienne aux États-Unis au début du siècle dernier, faisant de ce long-métrage un bijou à regarder tant au niveau visuel que du côté humain de la chose. Tout comme le premier volet, le narratif de l'écriture permet à l'auditoire de demeurer captivé par ce qui se passe à l'écran, Coppola évitant les erreurs du premier film à l'aide d'un montage beaucoup plus serré. Finalement, la musique de Nino Rota est encore une fois ici impeccable, nous permettant de connecter avec les personnages du film d'une façon beaucoup plus personnelle grâce aux différents thèmes musicaux d'une grande beauté. Mais beaucoup plus de points faibles ici que dans le premier film, principalement dû à ce passage continuel entre le passé et le présent qui pourrait déplaire à plusieurs, l'action étant par moments difficile à suivre et, en même temps, ces sauts temporels font en sorte que le spectateur se retrouve continuellement sorti du film par le changement d'histoire, mais également par le changement d'époque. C'est pour cette raison qu'il serait même préférable d'écouter The Godfather Saga, dans lequel le spectateur peut écouter en ordre chronologique l'histoire de la famille Corleone. L'histoire est également plus complexe ici que dans le premier film, ce qui n'est pas aidé par les sauts temporels. De plus, si le spectateur n'aime pas lire les sous-titres dans ce long métrage, ce dernier pourrait être exaspéré par les segments du jeune Vito Corleone. Bien que Pacino et De Niro soient excellents dans ce film, il manque tout de même une présence comme celle de Brando dans le premier long-métrage. Tout comme The Godfather, le rythme ici est lent et le tout n'est pas aidé par la durée finale du long-métrage qui est de plus de 3h40. Et malgré la longueur de ce long-métrage, il est quand même surprenant de ne pas voir la transformation du personnage de Connie qui haït Michael pour avoir assassiné son mari à la fin du premier volet, mais qui soudainement tourne son chapeau de bord et veut s'occuper de lui et en prendre soin après la mort de leur mère. Finalement, le film se termine d'une façon abrupte, comme si Coppola et Puzo ne savaient véritablement pas comment finir leur histoire. Il faudra attendre encore 16 ans avant de voir une conclusion à cette fresque grandiose. Du côté musical, eh bien, c'est encore Nino Rota, ce compositeur italien qui avait réalisé les trames sonores des films 8 et demi, War and Peace et Juliet of the Spirit. On peut retrouver la trame sonore sur CD et sur vinyle. Ça a été distribué par les étiquettes MCA en 1974. Vous avez également une édition limitée à 1000 copies qui est sortie en vinyle sous l'étiquette First Pressing le 21 septembre 2015. Et finalement, eh bien, vous pouvez avoir The Godfather Trilogy 30th Anniversary dans lequel vous trouvez des extraits musicaux des trois films. Ce CD est sorti le 13 mars 2001 sous l'étiquette Silva America. Je vous présente ici un extrait de la trame sonore du film The Godfather Part 2. Thank you.